Salut Sébastien, salut Dopsy. Bonjour Florent. Voilà, donc Florent Nouvelle, c'est comme ça, c'est ton nom de scène. Ouais, c'est ça, c'est mon vrai nom et en même temps c'est mon nom de scène, j'ai fait simple. Ah, ça c'est bien. Alors, eh bien, là ce qu'on vient d'écouter à l'instant, c'est un extrait de ton dernier album. Alors là, c'était Professionnel, je crois. Ouais, c'est le titre Professionnel, ouais, c'est l'histoire d'un mec qui fait absolument tout pour sa nana. Il en fait tellement trop que bah à la fin ça se termine pas bien pour lui quoi. Alors d'où ça te vient ces idées de chansons? C'est toi qui compose, c'est auteur, compositeur? Ouais c'est ça. Tu sais comme quand on. Comme je sais pas, je me promène dans la rue, tu vis des trucs, t'as ton petit carnet, enfin souvent comme ça qu'on écrit, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je bosse, j'ai mon téléphone, aussi je prends des petites notes, des fois j'ai une petite phrase qui arrive. Et puis ça fait une petite ritournelle, une petite mélodie. Je fais ça depuis que je suis vraiment gamin. Quand j'attendais ma mère à l'école, quand j'avais, je sais pas, 8 ans, je racontais ma journée en chantant déjà, en fait. Donc c'est un vieux réflexe où, en fait, les choses qui t'arrivent ou les choses que tu vois chez les autres, tout d'un coup, elles trouvent une forme en chanson, quoi. Ah oui. Alors là, c'est le dernier album. Il y a eu d'autres albums, il y a eu d'autres petites choses qui sont sorties avant ou c'est tout frais ça? Ouais. Il y a eu plein d'autres petites aventures. Là, c'est le premier vrai, j'ai envie de dire, au sens où il est commercialisé, il est distribué, tout ça, quoi. Avant, il y a eu, en fait, j'avais sorti avant les aventures de Flo, l'espèce de personnage que j'avais créé comme ça, qui était des deux titres, des trois titres sur, qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait eu un truc sur quitter Facebook, un truc rigolo sur Facebook. Il y avait eu une chanson un peu plus politique sur Sarko à l'époque. Un CD piano voix à l'époque quand je faisais mes concerts tout seul au piano voix. Donc il y a eu quoi, quand même plusieurs étapes avant, mais là c'est un peu un album vraiment produit où on a franchi une marge de plus en termes de production et puis de diffusion quoi. Donc c'est un album qui tient à cœur, il est sorti hier hein, donc je suis tout ému de la sortie de mon bébé quoi. Bah oui, ça c'est un petit bébé. Alors je l'ai eu en avant-première, on le diffuse déjà depuis un petit peu, alors ça doit être pour ça. Et bien ouais, c'est ça pour vous. Voilà, je propose qu'on s'écoute un autre extrait pour en reparler juste après. Alors là, je t'ai calé Cécile de France. C'est une copine à toi, ça? Non. Bah écoute, au début, non. Tu sais, j'avais vu dans un film qui s'appelle Quand j'étais chanteur ou si j'étais chanteur, où en fait elle joue une agente immobilière dans un bled et elle tombe amoureuse d'un chanteur qui est joué par Gérard Depardieu. D'accord. Et en fait, je l'avais vu dans ce film et je l'avais trouvé assez séduisante, hein, je vais être honnête. Hein. Ouais. Et j'avais écrit sur Facebook justement je suis amoureux de Cécile de France et ce statut ne durera que le temps d'un film. Et j'ai un pote qui me dit hey, Florent, qu'est-ce que t'attends pour en faire une chanson? Alors je l'ai pris au mot, il était 1h du matin. C'était l'été et j'ai écrit ça. Vous pouvez vous amuser dans la chanson, il y a 30 ou je sais plus combien de titres de sa filmographie, donc des films dans lesquels elle a joué. J'ai fait une sorte de chanson à tiroir comme ça. Ah bah alors, donc c'est une déclaration d'amour quoi. Ah bah une belle déclaration alors. Et bien on écoute tout de suite la déclaration donc, de Florent Nouvelle, Cécile de France sur Arc-en-Ciel et on se retrouve juste après. Cécile de France, silence plateau, mon film commence. De beaux yeux bleus qui font rêver le cinéma de mes pensées. Je suis amoureux de Cécile de France, ma palme d'or, mon rêve s'élance. Et je me fais mon cinéma. Allez Cécile, viens dans mes bras. Tout son art de la séduction, je me le repasse en fiction. Mais elle me joue les poupées russes, toujours un petit secret en plus. Toutes les nuits, je lui dis regarde-moi, partons tous les deux au-delà. Me voilà presque patriote, Cécile de France, j'ai les chocottes. Je suis amoureux, Cécile de France. Allez moteur, je tente ma chance. De beaux yeux bleus qui font rêver le cinéma de mes pensées. Je suis amoureux, Cécile de France. Ma palme d'or, mon rêve s'élance. Et je me fais mon cinéma. Oh Cécile, serre-moi dans tes bras. Assis dans un fauteuil d'orchestre, je rêve d'un mariage en papier. Ma jolie belge devant le bourgmestre, un baiser papillon lui volé. Ce sera pas un mariage people, mais plutôt l'auberge espagnole. Cécile de France, c'est ma nana, et dans mon film, j'en suis baba. Je suis suis amoureux de Cécile de France, le premier rôle de ma romance. De beaux yeux bleus qui font rêver le cinéma de mes pensées. Je suis amoureux de Cécile de France, ma palme d'or, mon rêve s'élance. Et je me fais mon cinéma, mon Cécile ne me quitte pas. France, donc sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Florent Nouvel. Où est-ce qu'on peut retrouver cet album, Florent ? Oh bah, il se trouve partout, dans tous les magasins, les Fnac, les Leclerc et tout ça, quoi. Ouais. Voilà, et puis vous pouvez le trouver aussi sur Internet, il est en téléchargement. Je crois qu'il est en vente partout, globalement. S'il n'y est pas, vous pouvez le demander et il vous le commande et il arrivera. Ouais. D'accord. Donc l'album s'appelle la Vélib Erration. Ah non, l'album, son titre, c'est pas ça. Ah, l'album, c'est le nouvel album. Ah, le nouvel, pourquoi je dis ça ? La Vélib Erration, c'est parce que c'est un morceau alors. Ouais, c'est ça, c'est un morceau de... Mais non, bah on a fait simple, comme m'appelle Florent Nouvel, on a appelé le CD le nouvel album. Bah ça c'est bien, ouais. Est-ce qu'il y a un petit site justement où on puisse te retrouver un petit peu ton univers ou tes autres morceaux que tu as déjà joués? Ouais, vous pouvez taper d'abord Florent Nouvel sur Google et puis il y aura plein de choses. Il y a YouTube, il y a un SoundCloud où vous pouvez entendre des extraits des chansons. Il y a Facebook aussi où il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc entre tout ça, il y a des chances qu'on puisse se retrouver. D'accord. Une petite question, parce que je voyais qu'il était en train de danser sur sa chaise de psy. Ah ouais, j'adore. Déjà, Florent, j'adore les deux morceaux qu'on vient d'écouter. Là. C'est assez entraînant, hein, effectivement. Tu vois, je bougeais un petit peu mon corps sur la chaise. Là, c'est vraiment très, très entraînant. Je disais, en fait, tout à l'heure, ça me fait penser tu vois, à l'univers, effectivement, de Benabar, un petit peu. C'est une de tes références musicales, non? Ouais, écoute, disons qu'on a un point commun, c'est qu'on peut se baser sur des choses, tu vois, du quotidien, un peu comme ça. Tout à fait. Là-dessus, on peut te rapprocher un peu. J'aime bien aussi, ça c'est des chansons qui sont un peu moins poétiques, celles qu'on a passées là, mais j'aime bien aussi quelqu'un, je sais pas si vous connaissez, comme François Morel. Oui, tout à fait. Qui chante aussi, j'aime bien son humour et à la fois sa tendresse et sa poésie. J'aime bien les deux mêlés, quoi. D'accord. Par exemple. Mais c'est vrai que Benabar, c'est pas étranger du tout à mon univers, c'est clair. Oui, ça s'entend fortement. Alors tu chantes que en français ou tu as fait d'autres langues pour les morceaux? Ah bah non, j'ai dû faire anglais-allemand au collège, mais alors après... C'est oublié. Après, j'ai tout perdu d'un coup. D'accord. Non, franchement, c'est que du français. D'ailleurs, j'écris que en français. Hein. J'aime bien écouter des trucs en anglais, mais alors en français, moi, c'est très chanson française. Quoi. C'est un peu comme votre radio. Oui, moi j'aime bien, franchement. La couleur musicale de l'émission, on adore les chansons françaises. Bah voilà, donc tu vois, là, j'ai acheté hier le CD des Volos, je sais pas si vous connaissez. Les ex-Vriegels, en fait. Ah, les Vriegels, oui. Des Vriegels, c'est deux frères qui se sont mis ensemble. Donc hier, j'ai acheté ça. J'ai acheté l'ancien Zazie. J'ai acheté... Thomas Fersen, le dernier Thomas Fersen, je sais pas si. Oui. Donc voilà, donc je suis très chanson française aussi. Ça me parle. Et puis j'aime bien les petites ritournelles qui restent dans la tête aussi. Pour ça, je suis content quand vous dites que vous dansez. Ça me fait plaisir. Je valide et je confirme. On va être obligé d'ouvrir un club de danse si ça continue. Ah bah nickel, attendez, je m'inscris avec vous alors, les gars. Moi, ce que je vais te poser, est-ce que tu fais des reprises aussi? Parce que c'est vrai qu'en concert, bien souvent, on a les personnes qui viennent nous voir en concert, bah, elles aiment bien se référencer avec des chansons qu'elles connaissent. Alors par hasard, tu as des reprises que tu fais en concert ou en live? Alors j'en fais de temps en temps. Alors j'essaie d'aller chercher des reprises qui sont un peu moins connues pour un peu étonner les gens, aller les chercher autrement. Par exemple là j'ai repris un vieux truc de Serge Reggiani qui s'appelle le Barbier de Belleville. Ah oui, tout à fait. Je sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. Il est coiffeur, il rêve de devenir chanteur d'opéra. Alors c'est un peu, et en fait j'essaie de le faire de manière un peu plus contemporaine, disons, dans la manière de chanter et dans les arrangements. J'ai ressenti aussi une chanson de Jeanne Ferral qui s'appelle une chanson sur le voile, le tissu, elle s'appelle cette chanson, c'est une super belle chanson qui donne une grande réflexion en même temps qui complexifie quelque chose, on pourra avoir une lecture un peu rapide de tout ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même chanté du Brel. C'est un peu ancien aussi ça, mais c'est pareil, j'essaie toujours de leur donner une couleur actuelle et avec ma manière de faire. J'ai chanté « Voir un ami pleurer » de Brel. Voilà, et puis je sais plus. Ça donnerait... Je dis à mes musiciens, si je dis, les gars, s'il y a un truc que vous imaginez que ça m'irait bien, invitez-moi à le chanter, envoyez-moi le lien et je vais le chanter. En fait, c'est comme ça que fonctionne. Donc, des fois, ils m'envoient des trucs où moi-même, je n'y attendais pas, en fait. Mais on fait des expériences. C'est aussi ça, et puis les gens aiment bien, c'est vrai, tu as raison. En concert, retrouver une chanson qu'ils connaissent aussi. À un moment, ça les aide aussi à fredonner avec nous. Mmh. Ah oui, elles aiment bien se référencer parce qu'elles connaissent forcément. C'est un petit peu le truc. Est-ce que tu peux nous en faire un petit bout justement de Serge Reggiani, voir ce que ça donne tout seul comme ça, à la voix, comme ça à cappella. Ah ouais. Ok, bah attends, chaud patate, sans instrument, j'ai rien. Donc, ah bah oui. C'est comme ça chez nous. Ah ben c'est cool. Alors c'est « Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en biseau. Je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manon, Carmen ou Corneville. Alors avouez que c'est rageant d'avoir la vocation sans le talent. » Refrain « Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois. » Mais ça ne vient pas. Il n'y arrive pas, hein. Je suis pas doué pour l'opéra. Pom, pom. Et à la fin, en fait, à la fin de la chanson, il tient la note et il y arrive. Et alors là, c'est le kiff. Et normalement, les gens applaudissent parce que normalement, j'y arrive aussi. Si tout va bien. Hein. Mais c'est pour ça qu'on applaudit, nous. Tu vois, voilà. Bravo. Au téléphone comme ça, c'est pas évident. Non, c'est vrai que c'est à brûle pour poids, les gars. Hein. Ah, ouais. Ah non, mais c'est vraiment super. Allez, tiens, pour te récompenser, on va écouter la dame d'Amsterdam alors. Ah bah là c'est plus romantique là, c'est l'histoire d'amour, il est amoureux, elle vient pas, mais bon à la fin tant pis, il vit quand même. Hein. Oh, d'accord, eh bien une dame d'Amsterdam, Florent Nouvel sur Arc-en-Ciel. Yes. Seul ces quelques signes, sous la courbure des lignes de cette grande dame. Je me promène en vain dans le vieil Amsterdam, dont le regard des femmes aguiche ma destinée. Mise au seuil, je les fuis, rappelé à la dame, comme l'amant l'est à l'âme de sa maîtresse aimée. Seuls ces quelques mots flottent sur les canaux de la ville d'Amsterdam. Seuls ces quelques signes, sous la courbure des lignes de cette grande dame. Dans la chambre d'hôtel où tu prenais ton bain, je lave tes parfums en frottant mes blessures. Du coin de ce grand lit où reposait ton sein, je revois le jardin d'où nous guettions l'azur. Lorsque la nuit viendra, j'irai dans d'autres bras pour ne plus te rejoindre. J'irai par tous les ponts qui me mènent loin de toi. Si tu ne m'aimes pas, je n'ai plus rien à craindre. Eh bien oui, toujours sur Arc-en-Ciel, le 96.2, notre site internet www.radio-arc-en-ciel.fr pour nous écouter. Ou le téléphone est toujours ouvert, 02 38 43 48 00. Ce matin, avec notre chanteur qu'on retrouvera, Dubsy, et tout de suite, Florent Nouvel. Florent, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la musique et dans la voix? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse tout de suite sur toi? Oh là là, je sais pas, c'est une super grosse question. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Alors il y en a, moi je suis très grand, je sais pas si vous savez, ça doit être écrit dans les dossiers de presse, je mesure 2 mètres. D'accord. Donc, pendant longtemps, je me disais, qu'est-ce que je vais en faire de ces 2 mètres? Et puis en fait, maintenant, je vis très bien avec, et je suis très content. Donc par exemple, ça, non. Alors après, Oh, m'enlever mes lunettes, si vous voulez. D'accord. Bah, très grand, c'est bien sur scène, ça évite de mettre une grande scène. Ah, on te voit. Ah, ben, ouais, voilà. Je sais pas, au contraire, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop grand sur une petite scène. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu chaud. Mais écoute, je sais pas, ouais, la taille, mais c'est rigolo. Moi, j'aime bien la taille sur la grande scène maintenant. Et puis, en fait, sur la scène, les gens, ils s'en rendent pas forcément compte. Parce qu'en fait, comme on est loin, perché en haut, déjà, oui, ils disent, on est déjà un peu grand sur une scène par principe. Et quand je descends à la fin, quand on va dire bonjour, quand on fait les dédicaces et compagnie, et ben, là, ils disent, oh, mais vous êtes géant, vous. voilà. Et je dis, oui. Ah oui. Alors justement, moi, on aime bien essayer de décaler un petit peu l'interview, de poser des petites choses différentes pour connaître un peu ton univers musical. Sur ta table de chevet, quel serait ton livre ou ton chanteur qui pourrait traîner sur ta table de chevet pour connaître un peu plus tes influences? Alors, attends, là je suis chez moi, je vais même voir en direct. Qu'est-ce qu'il y a sur la table de chevet comme livre qui traîne, voilà. Qu'est-ce que j'ai sur ma table de chevet? Alors là, j'ai un catalogue de jouets. On reste toujours enfant. Hein. J'ai eu ça dans... non mais j'ai eu ça dans la boîte aux lettres et en fait un catalogue de Lego, ça m'a fait marrer de regarder les vieux Lego. Donc tu vois, j'ai ça sur ma table de chevet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un... Oh là, oui, ça c'est politique, c'est de la politique. J'ai un livre politique de Jean-Luc Mélenchon, tu sauras tout. Oui, ça sera bon pour faire une belle chanson. voilà, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que j'ai aussi là? Attends, à côté là. Tiens, j'ai de la mythologie grecque, des histoires de dieux grecs et compagnie, parce que j'avais lu ça il y a pas longtemps. Et je me disais, j'y connais pas grand-chose et j'ai envie de... Et ça raconte des choses sur les hommes, en même temps les êtres humains. J'ai aussi des bouquins de sociologie et d'économie parce que je suis prof en même temps dans ma vie aussi. Et donc je suis prof de sociologie et d'économie au lycée, figurez-vous. D'accord. Et donc j'ai aussi des trucs comme ça parce que c'est aussi mon job. D'accord. Et sur ma table de nuit aussi, j'ai un petit chat en peluche sur un petit coussin que m'a offert ma chérie en me disant comme ça, quand je peux pas être là, tu penses à moi. Ah c'est gentil ça. Ouais, c'est mignon quand même. Ah oui, c'est super gentil de la part de ta chérie. Mais par contre, c'est absolument ridicule. Tu verrais le truc, mais vous savez, il y a des trucs comme ça qui sont ridicules, mais auxquels on tient. Du moment que c'est pas sur la prochaine pochette de l'album, ça ira, alors c'est ça que ça veut dire. Putain, attends, je sais pas. Attends, vous venez de me donner une idée, quoi. Attends, vous verrez le truc, attendez, je vous enverrai une photo. Ah bah oui, Est-ce que c'est... Vous le photographierez, je vous l'enverrai. Vous verrez que si ça pourrait, ça pourrait faire une photo d'album, mais un peu décalé. Quoi. On donne des idées en plus. D'accord, alors quelle serait la prochaine couleur de l'album là? Parce que là tu viens de sortir celui-là, c'est vrai que c'est tout frais, mais t'as déjà une idée de ce qui va pouvoir arriver après la promotion, refaire un album, faire du live? Bah écoute, là on a des concerts qui arrivent et puis après je continue à écrire, il y a des choses qui sont dans les soutes, si je puis dire. Il y a une chanson que j'ai écrite un peu sur le, vous savez, le monde d'Amazon. Là, j'ai lu un bouquin là-dessus sur les gens qui travaillent chez Amazon, sur le site internet. Là. Ils vont chercher les colis à toute vitesse la nuit dans les hangars. Là. J'ai écrit une chanson sur ça, une chanson un peu plus engagée. J'ai des chansons plus classiques. J'ai écrit une chanson d'amour là il y a pas longtemps. Donc ça sera encore de la chanson, ça c'est sûr. Après musicalement, on va voir. Là, l'album il sonne énormément guitare. Il y a beaucoup de guitares différentes. J'aimerais bien aller vers du piano, vers un pianiste, faire accompagner autrement. On va voir. En fait, ça dépend aussi des rencontres, de comment l'album là va évoluer. Et puis voilà. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est que je repars à la racine du truc, c'est-à-dire l'écriture, la mélodie. Et puis une fois que j'ai moi mes bébés, là, je vais travailler avec des arrangeurs ou des gens que j'aime bien pour faire exister vraiment musicalement la chose, quoi. D'accord. Dans quel secteur tu habites? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de... Tu te produis sur quel secteur? Alors, j'habite en banlieue parisienne. J'habite à Paris, en fait. Au sud de Paris. Et donc, là, le prochain concert, c'est le 23 février, après les vacances, là. C'est un petit showcase de présentation de l'album aux journalistes, à la presse et compagnie, qui a lieu dans un super endroit à Paris qui s'appelle la Passerelle 2.0. D'accord. Qui est un endroit qui se bat beaucoup pour les disques et puis pour la musique un peu indépendante. Moi, je suis autoproduit quand même. Oui. Donc c'est des gens qui laissent leur place vraiment à ça, un peu comme vous, quoi. C'est rare dans ce monde. C'est vrai que c'est difficile sur Orléans. Je veux pas dire qu'on est les seuls, mais l'émission a eu 16 ans la semaine dernière, donc je suis la plus vieille émission. Je peux peut le dire, qui perdure justement pour vous les artistes. J'aime pas dire les jeunes artistes parce que on peut pas vous mettre dans une case. J'aime pas mettre dans une case, mais malheureusement, voilà, c'est tous les nouveaux talents d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Voilà. Mais c'est super important parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le coup de projecteur. Sinon, les grosses radios s'intéressent pas forcément à notre travail. Même si j'ai eu la chance d'être diffusé sur des trucs, mais sur des radios, mais c'est vrai heureusement que vous faites là, vous faites vivre le poumon de cette chanson qui existe et qui a pas forcément le projecteur sur lui, sur elle. Et voilà. Donc merci. Merci. En fait, bah non, c'est super important. Gentil. Justement, une petite question, j'aurais te posé. On va avoir un autre invité juste après toi au téléphone. Je sais pas si tu connais, c'est Peter Lodz. Moi, je voudrais savoir quelle est la question que toi tu voudrais qu'on lui pose de ta part. Ah, comme ça on fait le jeu des questions qui se passent. Ouais, on aime bien faire ça de temps en temps, oui. C'est rigolo. Qu'est-ce que j'aimerais lui poser comme question? J'aimerais lui demander. Alors c'est un peu une question générale, mais pourquoi il chante? D'accord. Qu'est-ce qu'il pousse à chanter? Qu'est-ce qu'il y trouve? Voilà. Eh ben, il n'y a pas de souci, c'est noté. Hein. C'est un peu une question. Hein. Il va peut-être réfléchir 10 minutes avant de te répondre. Mais, mais peut-être pas. Je vais écouter. Comme ça, j'écouterai. Comme ça, j'écouterai ce qu'il répond. On va lui poser dès le départ. Comme ça, il aura le temps de réfléchir. D'accord. Écoute, moi, je te remercie beaucoup. Donc, je rappelle, Florent Nouvelle. Vous allez sur Internet. Vous retrouvez le Facebook, le petit site Internet avec le nouvel album qui s'appelle tout simplement Nouvelle. C'est plus simple, c'est plus court, voilà. Et on le retrouve un petit peu partout. Et puis très prochainement, donc au mois de février, en showcase, donc sur Paris. Ouais, 23 février sur Paris, Merci Florent. merci à vous, merci. C'est normal, oui. Question, je vais découvrir aussi ton travail parce que je le connais pas. Tout à fait. Et je vais aller écouter ça avec plaisir. Et puis merci à la radio pour cet accueil et cet échange. Ah c'est normal. Tiens, pour terminer, quel est le morceau que tu as envie de faire découvrir aux auditeurs pour terminer? On pourrait terminer par quoi de l'album? Alors attends, je leur. Et là, c'est le gars qui cherche l'album où est-ce qu'il est parce qu'il se rappelle pas des titres sur la table de chevet. Sur la table de chevet, il doit y être. En amour, vous allez danser un peu. C'est pas mal. En amour. Il a trois. Elle est calée alors. Eh bien, en amour, on écoute ça tout de suite. C'est le nouvel album de Florent Nouvelle sur Arc-en-Ciel. Merci beaucoup, Florent. À très très bientôt alors. Merci. À bientôt. Merci, au revoir, Florent. En amour, je passe par la case. Je sens. En amour, je passe par la case. Je sens que je le sens pas vraiment. Je sens qu'il faut laisser le temps qu'il y a un monde à inventer entre sa peau et mes baisers. Je sens qu'elle est belle à crever. Qu'il faut du courage pour aimer. Alors je me laisse aller et tout doucement emporter. En amour. Je passe par la case, je sens en amour. Je passe par la case, je sens que je l'oublie dans ses bras, qu'elle a pris toute la place en moi. J'ai tout donné à la Madone, elle s'est transformée en Maldone. Je sens que j'ai frôlé la démence, que j'ai laissé passer ma chance. Je sens qu'elle manque et son absence résonne en moi et je m'élance. Inspiré, je me vois qui part. Et dans le jeu de nos miroirs, je me découvre dans son regard. Je sens plus rien et ça m'inquiète. C'était si beau, c'était si chouette. L'amour fait pause et puis s'impose. Je sens le retour d'une fête. Je sens les surprises qui nous guettent. Je sens... sans l'inconnu qui s'apprête à jouer des tours. Viens mon amour, pas de raison que ça s'arrête. Je vis, je sens, suis vivant. Je vis, je sens, ainsi jouent les amants. Je vis, je sens, je sens.